Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. Je traîne l'épaule en haut, quitte à finir à freine. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, et n'en fous pas dans ton zen. On m'a dit frérot, pose, pose, et j'ai sorti le gun. J'ignore, mais quand on pose, pose, et ils ne ont le seum. Manon vient de loin et ose, ose, ouvre ta grande gueule. Moi je te présente ma vente, sale musique, qui habite à l'écrire. Yeah, veni, vidi, vicis, je suis venu, j'ai fourré, j'ai vaincu. J'aimerais tellement te dire que t'es pas ma chienne, mais c'est mon son faux. Oh, oh, yeah, quoi de neuf, Winnie Payne, j'ai des tasses, j'ai du flow. Je vais masser le dos, puis je vais casser le dos. Oh, ouais, on roule sans permis, Mercedes, Benz, Win, R&B. J'ai tant besoin de toi, t'es ma salope à moi. Yeah, 4-4 noir, vite fumé. Si je vends mes 4 jantes, j'ai assez pour te faire fumer. Fumer avec des si tu refais le monde. Avec des Uzi, on arrose tout le monde. On sniffe pas de coke, on mange pas de porc. Mon rap n'est pas halal, normal, il est pas mort. Yeah, alors je suis rentré dans un boule. J'ai pris le temps de partir à dame et de rentrer avec un 12. Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. Je traîne l'épaule en haut, quitte à finir à freine. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zen. On m'a dit frérot, pose, pose, et j'ai sorti le gun. J'ignore, mais quand on pose, pose, et ils ne ont le seum. Manon vient de loin et ose, ose, ouvre ta grande gueule. Moi je te présente ma banlieue sale musique, capitale criminelle. Yeah, veni, vidi, vici, je suis venu, je suis tombé, je suis ressorti. Innocent, incarcéré, dossier classé sans suite. Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut péter tout de suite. Yeah, mon rap n'est pas un rasoir, je tape. Banlieue, banlieue, salon, bois ton bord s'il est potable. Swag sur la casquette, Louis sur le gilet. Le rap c'est comme le McDo, t'as pas le choix, je suis le filet. Yeah, c'est banlieue sale sur la piste. La voiture de mon DJ coûte plus cher que la promo de leur artiste. Yeah, le rap français pète un câble. Capital du crime, des voyous en fuite avec des comptables. J'suis trop content, on a rayé ma caisse mais sans rancune. J'fais partie des rares MC qui en ont une. T'as testé, tu repars déçu. Attrape quand le chat n'est pas là, les souris tirent dessus. Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. J'traîne l'épaule en haut, quitte à finir à freine. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zen. On m'a dit frérot, pose, pose, et j'ai sorti le gun. J'ignore, mais quand on pose, pose, et ne on le seum. Manon vient de loin et ose, ose, ouvre ta grande gueule. Moi je te présente ma banlieue sale musique, capitale du crime. Yeah, yeah, veni, vidi, vici, je suis venu en Gucci, en Louis. Gucci. Tu devais sortir en juin, finalement tu sors en automne. T'as écouté mon disque et t'as repoussé ton album. Yeah, on les oubliera tous comme Danny Glover. Pour nous c'est Range Rover, pour eux c'est Green Over. Yeah, concert à guichet fermé, fais pas le bête. Manon bouchait la rue pendant que tu bouchais les toilettes. Yeah, fusil à pompe sur la prod à riser. 2000-2011, trop d'MC, on la chatte rasée. Raser, raser les murs, c'est ce qui te reste à faire. On va faire comme ton père, on va te faire un petit frère. Yeah, ma blanche se vend comme Lady Gaga. Si on pète, j'finis à l'ombre comme Yuga Taga. Taga, t'as qu'à dire ici c'est 7-8. Appelez les keufs, mais faites vite. Elles ont fait de moi un homme, mes douleurs et mes peines. J'traîne l'épaule en haut, quitte à finir à freine. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es rusé, n'en fous pas dans ton zen. On m'a dit frérot, pose, pose, et j'ai sorti le gun. J'ignore, mais quand on pose, pose, et ne on le seum. Manon vient de loin et ose, ose, ouvre ta grande gueule. Moi j'te présente ma banlieue sale musique.